The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Soon. Bientôt. Cannes Film Festival. Le Festival de Cannes. There. I. Every. Chaque. Ticket. La place. Director. Le réalisateur. You. Tu. Now, a bit faster. Soon. Bientôt. Cannes Film Festival. Le Festival de Cannes. Director. Le réalisateur. You. Tu. Ticket. La place. Soon. Bientôt. There. I. Soon. Bientôt. Every. Chaque. Director. Le réalisateur. You. Tu. Director. Le réalisateur. Every. Chaque. Cannes Film Festival. Le Festival de Cannes. Soon. Bientôt. Now, use the words in context. Bientôt. The holidays are coming up. C'est bientôt les vacances. I. I'm going there again this year. J'y vais encore cette année. Le réalisateur. A lot of directors come to the Cannes Film Festival. Beaucoup de réalisateurs viennent au Festival de Cannes. La place. I have two tickets for this showing. J'ai deux places pour cette séance. Bientôt. The holidays are coming up. C'est bientôt les vacances. Le réalisateur. A lot of directors come to the Cannes Film Festival. Beaucoup de réalisateurs viennent au Festival de Cannes. La place. I have two tickets for this showing. J'ai deux places pour cette séance.